il est mage. Personnage obscur comme on en voit qu'au cinéma. Voici les pages de notre histoire en partition. Sorcier de la musique, on part à chaque fois de zéro. Pas de quoi en faire des héros, car quoi. Plein de flèches et tirs latéraux en stéréo, casse-toi. Si t'es pas dans le bon canton, le nectar est onctueux, mais n'est pas pour quiconque. Ne serait averti les vertus de notre verdure. Donne le vertige et peuvent causer ta perte. Tandis que pour d'autres, elle apaise l'âme. Vaporise le secteur chaussé de Cortez large. Grosse mixture, fixe le tempo droit. Dans les yeux, on t'ensorcelle les deux foudroies. Pose de diamants sur notre pierre précieuse. Dans la nuit silencieuse, potion délicieuse, abreuve-toi. C'est de la sorte, c'est le rythme quand on agit de la sorte. Pas sorti de la sorte, bonne mais de l'asile. Mais de l'asile, mais met la nôtre. En diable comme la belladone. C'est pas l'atmosphère d'un autre, on met la comme sorte. C'est le rythme quand on agit de la sorte. Pas sorti de la sorte, bonne mais de l'asile. Mais de l'asile, mais met la nôtre. En diable comme la belladone. C'est pas l'atmosphère d'un autre, on met la comme. Du dosage, de l'expérience et du savoir-faire. Quoi, ça va le faire. Pas plus dangereux que la cervoise, on va te faire voir. La vie du côté funk, la vie du côté dark, la vie du côté chill punk. Passer par toutes les émotions, le temps d'un disque, yes. Autant d'indices si tu nous connais pas que dans un quies. Pour quelques pièces, l'alchimie est inestimable. Finesse, vénère, mélange inexplicable. Ne cherche pas, on a consacré nos vies à la musique, on crée nos textes, on crée nos rythmes en pure allégorie. Nous sommes des sorciers à l'écart. Fais gaffe, on est à la maison et laissons tomber dans les diegars. Très carré, Hekim et Guma. On a tout préparé pour qu'une fois sur ta platine, la potion dure dans le temps. Pour des êtres mystiques qu'on assure dans le temps. C'est de la sorte, c'est le riz, coton, t'agis de la sorte. Pas sorti de la sorte, bonne mais de l'asile. Mais de la zig, mais la nôtre. En diable comme la belladone. C'est pas l'atmosphère d'un autre, on met la comme sort. C'est le riz, coton, agit de la sorte. Pas sorti de la sorte, bonne mais de l'asile. Mais de la zig, mais la nôtre. En diable comme la belladone. C'est pas l'atmosphère d'un autre, on met la comme sort. C'est le riz, coton.